Chapitre 8e. L'autorisation obtenue, le cercle ne pouvait pas ouvrir ses salons dès le lendemain, malgré l'envie qu'en avaient Raphaël et Frédéric. Si le personnel était engagé à l'avance, si le mobilier était prêt, il fallait laisser le temps au tapissier de clouer les tapis et de poser les tentures, au sommelier de meubler la cave, au tabletier de bien graver sur les jetons et les plaques la marque du nouveau cercle, de façon à ce que la caisse n'en ait pas trop de faux à rembourser aux joueurs qui se servent de cette monnaie plus facile, plus productive et moins dangereuse à contrefaire que les billets de banque. Il y a en effet des plaques en acre qui valent 10 000 francs, et si l'un de ces industriels est pincé au moment où il tâche d'en écouler quelques-unes, il est aussi simplement que discrètement expulsé du cercle sans encourir les travaux forcés que la vignette des billets de banque promet aux contrefacteurs. D'ailleurs, à côté des travaux matériels à accomplir pour la parfaite organisation du cercle, il y en avait d'un autre genre qui devait tout autant, et plus encore que cela, peut-être concourir à sa prospérité. C'était ceux de la publicité. Un cercle de ce genre ne pouvait pas ouvrir ses portes sans tambour ni trompette, et il y avait longtemps que Raphaël avait engagé son orchestre. Il avait commencé pianissimo, il était vaguement question d'un nouveau cercle. Piano, il ne ressemblerait en rien à ceux qui avaient existé jusqu'à ce jour. Adagio, on y trouverait un luxe et un confort inconnus en France, en même temps qu'une sécurité absolue contre les tricheries. À l'avance, les joueurs seraient certains de n'avoir pas à se surveiller les uns les autres, ce qui supprime tout le plaisir du jeu. Andante, ces salons seraient avenue de l'Opéra, dont la plus belle maison que Paris ait vu construire en ces dernières années. L'attention étant alors suffisamment éveillée, les trompettes avaient enfin donné son nom « Maestoso Manantropo », c'était le grand international. L'argot, il avait pour fondateur l'élite du monde de la diplomatie, l'ancien ambassadeur aux gages de Bartelas, de l'armée, le général Epaminondas, de la politique, le comte de Chélus, Adeline, Bunou, de l'aristocratie, le duc d'Arcala, des arts, Bagarrier Fastou, de l'industrie, de la finance, du commerce parisien, représenté par une querrielle de noms sérieux, bien fait pour inspirer confiance. Fortissimo, ce n'était pas une spéculation louche comme tant d'autres. Con Calore, c'était une affaire nationale. Con Fuoco, qui dans l'esprit de ses fondateurs devait concourir, tempo di marcia, au relèvement de la fortune publique. Pendant que se jouait cette symphonie, Adeline, dont la présence à Paris n'était pas utile, puisque l'aménagement du cercle ne le regardait en rien, avait été passée quelques jours à Elbeuf. Comme toujours, il était arrivé le soir et avait trouvé sa famille dans la salle à manger, l'attendant devant le couvert mis. Comme toujours, il vint à sa mère qui l'embrassa respectueusement. « Comment vas-tu, la maman ?»« Bien, mon garçon, et toi ? Sais-tu que je commence à être inquiète de toi ? Pourquoi donc ? Tu es marqué parmi ceux qui se sont abstenus à la chambre. Et depuis plusieurs jours, tu n'as pas dit un mot, pas même une interruption. Tu sais bien que je n'interromps jamais. Tu as tort. Quand on a son mot à dire, on le dit. Ça fait plaisir aux électeurs, qui voient que leur député est à son banc. J'étais pris par le travail des commissions. En réalité, ça avait été par le travail de la fondation de son cercle qu'Adeline avait été pris. Mais il ne pouvait pas le dire à sa mère, puisqu'il n'en avait pas encore parlé à sa femme, attendant pour le faire qu'il eût obtenu son autorisation. Ce serait ce soir-là qu'il lui annoncerait cette grande nouvelle. Mais il ne put pas aborder ce sujet tout de suite après le souper, car en quittant la table, la maman, au lieu de se retirer dans sa chambre comme tous les soirs, lui demanda de la rouler dans le bureau, ce qui ne se faisait que dans les circonstances extraordinaires. Que voulait-elle donc? Qu'avait-elle à dire? Avec elle, il n'y avait jamais longtemps à attendre. Les paroles ne se figeaient point sur ses lèvres, et ce qu'elle avait dans le cœur ou dans l'esprit, elle s'en débarrassait au plus vite. Aussitôt que Berthe et Léonie se furent retirées, elle commença. « Mon fils, il se passe ici d'étranges choses. » Adeline regarda sa femme avec inquiétude, s'imaginant qu'une difficulté ou une querelle s'était élevée entre sa mère et elle, ce qu'il redoutait le plus au monde. « Je m'en suis plainte à ma bru, » continua la maman. « Mais comme elle n'a pas tenu compte de mes observations, il faut bien que je te les fasse à toi-même. » « Quoi qu'il m'en coûte, t'as fêté ton retour de querelle quand tu rentres chez toi pour te reposer. » Madame Adeline voulut épargner à son mari l'impatience de chercher où tendait ce discours. « Il s'agit de Michel Debs, » dit-elle doucement. « Justement, il s'agit de ce Michel Debs qui ne démarre pas d'ici. »« Oh, maman !» interrompit Madame Adeline. « Je suis fiable, peut-être. Quand je dis quelque chose, on peut me croire. Bien sûr que ce clampin ne reste pas ici du matin au soir, je ne prétends pas ça, mais il cherche toutes les occasions pour y venir et pour voir Berthe. Qu'est-ce que cela signifie ? Tu sais bien qu'il aime Berthe, il est tout naturel qu'il cherche à la rencontrer. Alors tu autorises ses visites ? Ce n'est pas pour rien qu'on est normand. Je ne trouve pas mauvais que Berthe connaisse mieux ce garçon. Il me semble que c'est toujours ainsi qu'on devrait procéder dans un mariage. Et s'il lui plaît ? Dame, tu l'accepterais pour gendre ? Voudrais-tu faire le malheur de ta petite fille ? C'est justement pour n'avoir pas à faire son malheur que j'ai demandé à ta femme de fermer notre porte à ce garçon. Elle ne m'a pas écouté. Il a continué à venir et on a continué à lui faire bonne figure. Je me suis tenu à quatre pour ne pas le mettre moi-même à la porte. C'est un scandale, une abomination. Tout Elbeuf sait qu'il vient chez nous pour Berthe. À la messe, on me regarde. Il était vrai que tout Elbeuf s'occupait du mariage de Michel Debs avec Berthe Adeline. Des discussions s'étaient engagées sur ce sujet. On ne parlait que de cela. Et comme ni Léek et Debs, ni les Adeline n'avaient fait de confidence à personne, on se demandait si c'était possible. Pour tâcher de deviner quelque chose, les dévotes de Saint-Étienne dévisageaient la vieille dame Adeline, et devant ses regards, elle s'exaspérait. Elle s'indignait, non pas tant parce qu'elle était objet de curiosité, que parce qu'elle devinait les hésitations de celle qui l'examinait. Comment pouvait-elle la croire capable d'accepter un pareil mariage ? « Maintenant, reprit-elle, tu vas me répondre franchement et décider entre ta femme et moi. Autorises-tu ces visites ? Parle. » Si normand que fût Adeline, il eût été difficile de ne pas répondre à une question posée en ces termes et avec cette solennité. Cependant, il l'essaya. « Je t'ai dit que c'était une sorte d'épreuve. Alors tu les autorises. Mais, oui ou non, les autorises-tu ? Autrement, consens-tu à ce que je fasse comprendre à ce jeune homme, poliment, qu'il ne doit plus se présenter ici ? Cette fois, il n'y avait plus moyen de reculer. « C'est impossible, » dit-il. Il allait expliquer et justifier cette impossibilité, elle lui coupa la parole. « Roule-moi dans ma chambre. » « Mais, maman, je te demande de me rouler dans ma chambre. Si je pouvais me servir de mes jambes, je serais déjà sorti. Je t'ai dit ce que je pensais de ce mariage. Mieux vaut que Berthe ne se marie jamais que de devenir la femme d'un juif, je te le répète. Je sais bien que tu n'as pas besoin de mon consentement pour faire ce mariage, mais réfléchis à ce que je te dis, il n'aura jamais ma bénédiction. Mais, maman, roule-moi dans ma chambre. » Il n'y avait pas à discuter, il fit ce qu'elle demandait, et tristement, il revint auprès de sa femme. « Tu vois, » dit celle-ci. Et justement, au moment où j'apportais de bonnes nouvelles, où je croyais qu'un pas décisif était fait pour assurer ce mariage. « Quelle bonne nouvelle ! » demanda-t-elle avec plus d'appréhension que d'espérance, comme ceux que le sort a frappé injustement et qui n'osent plus croire à rien de bon. Il raconta comment, par son ami le vicomte de Mussidan, qu'il avait si gracieusement obligé au moment de la crise provoquée par la faillite Bouteillé, il avait été amené à s'occuper de la fondation d'un cercle, dont le but était le relèvement de la fortune publique. Il expliqua la situation qu'on lui faisait, situation honorifique et situation matérielle. Enfin, il dit avec quel empressement on lui avait accordé l'autorisation qu'il demandait. « Et tu ne m'avais parlé de rien ! » s'écria-t-elle. « Tout était subordonné à l'autorisation administrative. C'est d'avant-hier que je l'ai. » Ce n'était pas la joie que donne une bonne nouvelle qui se peignait sur le visage de Madame Adeline, tout au contraire. « Comment tu accueilles cela ? » dit-il. « Dans notre position, ce n'est donc rien qu'un gain de 75 000 francs et un traitement de 36 000. C'est parce que c'est beaucoup que j'ai peur. De quoi ? Je ne sais pas. Eh bien alors ? Je n'entends rien à ces choses. Tu n'y entends rien toi-même. Comment me rassurerais-tu ? Ce que je comprends, c'est qu'il s'agit de jeu, et que c'est sur les produits du jeu que votre cercle doit marcher. Comme tous les cercles. Un joueur joue chez nous, il nous paye pour jouer comme un spéculateur, paye un agent de change pour jouer à la bourse. Crois-tu ? Moi, je n'aime pas cet argent. La source où on le prend, elle allait dire, me dégoûte. Elle se reprit, me répugne. C'est celle où puissent tous les cercles. Sois sûr qu'il n'y a que les joueurs qui trouvent immoral de payer un tant pour cent sur les sommes qu'ils risquent. Le public serait plutôt disposé à trouver que ce tant pour cent n'est pas assez élevé. Mais si tu allais devenir joueur toi-même, à vivre avec les gens, on prend leurs défauts. Moi, joueur, à mon âge, dit-il en riant. Quand je n'ai qu'un souci, celui de vous gagner de l'argent, j'irai m'exposer à en perdre. Tu ne crois pas ce que tu dis. Enfin, si tu étais trompé par ces gens, tout ce monde qui vit par le jeu n'a pas bonne réputation. Crois-tu que je n'aurai pas les yeux ouverts? Je ne suis pas président à vie. Le jour où je verrai la plus petite irrégularité compromettante, si petite qu'elle fût, je me retirerai. Et si tu ne la vois pas? As-tu le moyen de me donner 50 000 francs demain pour rembourser le vicomte? Non, n'est-ce pas? As-tu d'autre part le moyen de me faire gagner 36 000 francs par an que nous pourrons mettre de côté? Non, n'est-ce pas? Eh bien, alors ne repoussons pas l'occasion qui se présente, même s'il nous expose à un risque. Tu conviendras, au moins, que ce risque est bien petit. À nous deux, nous nous en garrons bien. Que dire de plus? C'était son instinct qui protestait, et encore vaguement, sans avoir rien de précis à opposer aux réponses de son mari. Elle ne pouvait que subir le fait accompli, au moins pour le moment. Mais s'il promettait d'ouvrir les yeux, elle, de son côté, se promettait de les ouvrir aussi. Auprès de Berthe, sa bonne nouvelle reçut le lendemain matin un meilleur accueil. « Alors cela assure notre mariage ? » s'écria-t-elle quand il lui expliquait la situation. « Au moins cela l'avance-t-il ? Si tu savais comme je suis heureuse, je peux bien te dire maintenant que depuis notre promenade dans les bois du Tuit, je ne vis pas. Plus je trouvais Michel aimable et charmant, plus je reconnaissais de qualité en lui, plus il me plaisait, plus je l'aimais, plus je me tourmentais, me désespérais, en me disant que peut-être il faudrait renoncer à lui. Alors maintenant, nous allons nous voir librement, n'est-ce pas ? Pas encore. Il faut ménager ta grand-mère et la sienne. Mais voici une idée qui me vient et qui va te consoler. Nous donnons une fête pour l'ouverture de mon cercle. Tout Paris y sera. Tu viendras avec ta mère et j'inviterai Michel. Décidément, tu es le roi des pères. Comme les rois doivent offrir des toilettes royales à leurs filles, tu vas me dire quelle robe je dois commander à Madame Dupont. Ce n'est pas la peine d'en commander une. J'ai ma robe de tulle rose que je n'ai mise qu'une fois. Elle me va très bien. Elle suffira, puisque Michel ne la connaît pas. Et que ce sera pour lui que je m'habillerai.